Connais-tu le style de TTTTTOR? Je m'écarte des pieds des bitches, le même majeur en l'air. Dur, je viens laisser des marques. Dès que je marque, les pulls se déclassent, leur flow se décale. Moi, je dis ce que j'aurai pour ça que je me démarque. Dans ce monde, je suis paré, on ne fait que séparer. J'arrive avec un flow qui rend les voix encore plus tarées. J'ai des barques, marque rappera tatine l'état, les tapes sur mes bases avec un putain de mic. Flow électrique qui kick, qui triple. Antifique et rage qui boycott ou performatique. J'ai délaisse les faux mecs et ride et les faux. J'viens niquer la tendance avec mes fous et mes faux. Connais-tu mon style? Connais-tu mon style? Connais-tu mon style? Connais-tu mon style? Connais-tu mon style? Connais-tu mon style? GGGI, ma plume lentise, me fait taper des barres sur les bancs là où j'écris. Je vis ce que je vis, suis mes envies, les vides sont cachés comme la reste que je suis. Pense que je pense, entends ce que j'entends, les taux se resserrent comme un test qui survit. C'est pour ça que j'écris, sans cesse et déteste. Te les teste et reste hostile comme ces mecs de ma tête. Je me réveille en musique, à côté d'un pack de 16. Et les MC mythomanes n'ont plus qu'à se gratter la tête. Tant de bises, quand la crise épuise, on puise. Pisse la tisse, aiguise et kiffe les gens pisse. On craque des massas ou bien presse la pluie. On se pose sur des caisses claires entre le beau temps et la pluie. Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style? Connais-tu le style?